Clarum Oedipo dem vestrum regem.

Oh,

l'inceste, le parricide, le fou. On le chasse. On le chasse avec une extrême douceur. Adieu. Adieu, pauvre Édipe. Adieu, Édipe. On t'aimait.